Tout arrêt dans un tunnel entraîne un risque d'accident important. C'est la raison pour laquelle seuls les cas graves peuvent décider un conducteur à s'arrêter, même si la bande d'arrêt d'urgence à droite est large. Ce voyant indique que j'arrive sur la réserve de carburant. Les voitures actuelles ont une réserve qui permet de rouler encore entre 50 et 100 km. Aucun tunnel ne fait cette distance. Je dois continuer jusqu'à la prochaine station-service qui, si je suis sur autoroute, se trouve à moins de 30 km. Réponse D.